réponse, Witariho. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Le gouvernement burundais accuse l'Union européenne d'être à la base de l'échec de la facilitation dans la crise qui n'a pas pu tenir le rendez-vous de fin juin pour terminer le dialogue. Dans ce journal, vous entendrez le porte-parole du gouvernement, Philippe Nzobonariba. Le ministre burundais des Finances confirme la diminution du trafic sur les frontières entre le Rwanda et le Burundi. Le député Pierre-Célestin Ndikumana estime que la détérioration des relations entre les deux pays fait que les conventions en rapport avec la mise en application du guichet unique ne soient plus respectées. On fait le point dans quelques instants. Et puis, les cultivateurs de la province de Muyinga au nord déplorent qu'il n'ait plus le droit de se choisir des plantes à cultiver. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. L'Union européenne est à la base de l'échec de la facilitation à tenir le rendez-vous de juin qu'elle s'était fixé. L'accusation est du gouvernement burundais. Le porte-parole de cette institution a indiqué ce vendredi que l'Union européenne s'ingère dans le dialogue externe en imposant aux facilitateurs les personnalités à inviter pour des sessions de dialogue. Philippe Nzobonariba dit que le gouvernement est prêt à poursuivre le dialogue extérieur à condition que les putschistes n'y prennent part. On l'écoute. Mkapa, comme facilitateur, a eu un problème. Le problème majeur de Mkapa, c'est l'interférence de l'extérieur dans sa facilitation. L'interférence du principal bailleur, qui est encore une fois l'Union européenne, qui lui donne les moyens de fonctionnement, d'imposer des personnalités poursuivies par la justice burundaise, frappées dans le mandat d'arrêt international, qui ont trempé dans les atrocités et autres crimes qui ont été perpétrés pendant l'insurrection qui préparait le coup d'État, des personnalités qui ont été trempées dans le coup d'État même. Ils savent bien que ces personnalités, de par la résolution des Nations Unies, qui a été claire que ce sont les acteurs non violents qui doivent s'asseoir autour de la table et trouver ensemble la solution. Mkapa a essayé, mais à chaque session, partenaire lui imposait des personnalités débarquées de leur valise et obligées qu'il doit les associer, sachant pertinemment que ça ne peut pas passer. Et c'est pour cette raison que le gouvernement a régulièrement répondu à l'invitation de Mkapa, mais une fois qu'il a constaté que Mkapa avait dépassé les limites de la loi, en invitant des criminels qu'on cherchait plutôt à les faire arrêter, le gouvernement est revenu et rentré. Et Mkapa a compris. Mais ces bailleurs continuent toujours à imposer ces putschistes parce qu'ils sont embarrassés par leur sort puisque ce sont eux qui les avaient commandités. Voilà le problème. Concernant la question de savoir si la prochaine session qui a convoqué le gouvernement s'y rendra, ben je vous ai dit que le gouvernement s'est toujours déplacé, a toujours répondu à l'invitation pour faire valoir ses points de vue, sa vision sur le processus. Mais si encore une fois, le facilitateur subit et cède aux pressions de ceux qui veulent justement voir sa mission cabotée, c'est normal que le gouvernement prendra acte. Mais nous pensons que le facilitateur lui-même s'est déjà rendu compte des obstacles qu'il a rencontrés, loin de les attribuer au gouvernement du Burundi, à ceux qui ne veulent pas qu'il soit libre dans sa médiation. Les conventions en rapport avec la mise en application du guichet unique ne sont plus respectées entre le Burundi et le Rwanda voisin. Cela est dû à la détérioration des relations entre ces deux pays frères, selon le député Pierre-Célestin Ndikumana, le vice-président de la commission parlementaire permanente en charge des finances. Il l'a dit vendredi à la chambre basse du Parlement lors de la présentation du rapport sanctionnant la descente de sa commission sur les frontières entre le Burundi et les pays voisins. Pierre-Célestin Ndikumana indique que cela ne facilite pas en tout cas les agents de douane pour percevoir les taxes sur les transports, le transport transfrontalier. Suivez-le. Il y a quelques problèmes liés aux mauvaises relations entre le Burundi et le Rwanda. Quand un véhicule a déjà franchi la frontière, par exemple vers le Rwanda, avec certaines fautes, il n'est plus possible de le poursuivre. Cela s'explique par ces problèmes politiques qui, par après, affectent la mise en œuvre des conventions en rapport avec le guichet unique. amasezerano asanzwe hari agenga gishey nike ntagikurikizwa ico baratubwiye ko ari ngorane ikomeye cyane. Le ministre burundais des Finances confirme la diminution du trafic sur les frontières burundo-rwandaises. Lors d'une séance des questions orales ce vendredi à l'Assemblée nationale, Domitien Ndihokubwayo a indiqué aux députés qu'une réaffectation du matériel utilisé au poste frontalier des deux pays est envisageable. On l'écoute, il est traduit par Medar Nyonguru. Nagiye muravuga muri raporo ndetse no muri igaleresi muvuga yuko votre rapport et le film que vous avez montré font état de dégradation des relations entre le Burundi et le Rwanda. Et cela s'est suivi d'une diminution du flux des échanges commerciaux. Ce n'est pas seulement au niveau de la Kanyaruho, mais aussi à Gasenyi et Ruhwa. Ivyo rero vyatumye bijya bikoresho kumbure bica bironka akazi gake. Vous ajoutez que les équipements y installés sont alors peu utilisés. Cela ne signifie pas du tout que ces équipements ne sont pas utilisés. Ils sont toujours au service. Et d'ailleurs, par exemple, le scanner utilisé à la frontière de Kanyaruho est mobile. On peut le déplacer vers les autres frontières ou un peu partout au Burundi quand on sent le besoin de vérifier le contenu des conteneurs. Les cultivateurs de la province de Muyinga n'ont plus le droit de se choisir les plantes à développer dans les marais face à la grogne de ceux à qui les moniteurs agricoles ont obligé de planter la patate douce au lieu du haricot. La direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage à Muyinga parle des mesures tendant vers la régionalisation agricole. Le point avec Dieudonné Nzeyimana. Dans le marais de Chizanyi, entre les communes Butinda et Muyinga, des champs de patates douces se font voir d'un côté. De l'autre, c'est une partie en cours de préparation pour la pomme de terre. Séparée dans presque tous les marais de la province, le cultivateur n'a plus droit de se choisir quoi cultiver. Ce sont les responsables agricoles qui décident de la plante à développer. Tout propriétaire de la pomme de terre doit s'y conformer. Certains cultivateurs grognent. On les a empêchés de semer le haricot en coloris. Roger Sendeguia, directeur provincial des services de l'agriculture et l'élevage à Muyinga, indique que c'est une mesure visant à habituer petit à petit aux agriculteurs la régionalisation des cultures. Pas de désordre dans les champs. Les inspecteurs phytosanitaires pourront bien suivre les cultures et l'encadrement agricole plus aisé. Pour cette saison, on a ciblé des cultures jugées utiles pour lutter contre la faim et avec un cycle court de production, telle la patate douce, la pomme de terre, les légumes et par endroits, le maïs. Pour le directeur provincial de l'agriculture, tout cultivateur doit s'y conformer, pas de dérogation possible. Dieudonné Nzeyimana, de Muyinga pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Jean Dodieu Ndaïsenga pour la collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir.